L'actualité à Nancy et ailleurs. Le vendredi 27 février, l'école de santé publique, qui est un département de la faculté de médecine, organise sa première journée portes ouvertes en ligne. Pour nous en parler, nous avons au téléphone Alexandra Singer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieure pédagogique et responsable du service pédagogie numérique au sein de l'école de santé publique. Première question, pourquoi avoir choisi d'organiser cette toute première journée portes ouvertes et en plus en ligne ? Alors, cette première journée porte ouverte marque une volonté forte de rendre l'information accessible au plus grand nombre. Le choix du format 100% en ligne s'inscrit dans la logique de notre école. L'enseignement en e-learning y est omniprésent. Donc, organiser une JPO à distance permet donc de cibler réellement le public concerné par ce mode d'apprentissage. Et c'est aussi une réponse concrète aux contraintes des futurs étudiants. Disponibilité limitée, activité professionnelle, éloignement géographique, notamment pour les nombreux étudiants étrangers. Et le format en ligne permet donc à chacun de se rendre plus facilement disponible sans avoir à se déplacer physiquement à la faculté. À qui s'adresse prioritairement ce rendez-vous du 27 février ? Cette journée porte ouverte, elle s'adresse principalement tout d'abord aux étudiants en recherche de formation en santé publique, aux professionnels de santé qui souhaitent compléter leur parcours et aussi aux personnes en reconversion. Il est important de noter que près de 70% des étudiants de l'école sont des professionnels de santé, dont environ la moitié exercent à l'étranger. Donc ce format en ligne correspond particulièrement à leur réalité où le déplacement peut être difficile, voire pour certains impossible. Quel type de formation propose l'école de santé publique ? Alors l'école propose plusieurs diplômes universitaires reconnus. Tout d'abord une licence 3 parcours santé publique. Ensuite un master santé publique structuré autour de 3 parcours au choix. Le premier PPS, prévention et promotion de la santé. Le deuxième ERCE, épidémiologie, recherche clinique et évaluation. Et le troisième éthique. Il faut savoir qu'en deuxième année de master, des orientations spécifiques sont proposées au sein de chaque parcours afin de préciser et personnaliser le diplôme en fonction du projet professionnel de l'étudiant. Mais lors de la JPO, l'équipe pédagogique présentera en détail les contenus, les spécificités de chaque parcours et les débouchés professionnels. Vous avez parlé de e-learning. Comment fonctionne l'enseignement en e-learning à l'école de santé publique ? Alors l'e-learning en effet est au cœur du fonctionnement pédagogique de l'école. Concrètement, les cours synchrones et asynchrones sont accessibles en ligne via la plateforme Arche. Les activités pédagogiques, les contrôles continus sont réalisés à distance. Les échanges avec les enseignants, les échanges avec les tuteurs se font via des outils numériques. En résumé, tout est organisé en e-learning, à l'exception bien sûr des examens sur table à la fin du semestre qui restent en présentiel. Ce modèle garantit souplesse et accessibilité, tout en maintenant bien sûr un cadre académique rigoureux. Quels sont les avantages pour des étudiants, des professionnels ou des personnes en reconversion ? L'enseignement à distance présente plusieurs atouts majeurs. Le premier, c'est d'aménager plus facilement son emploi du temps. C'est se former tout en conservant une activité professionnelle, monter en compétences sans rupture de carrière, accéder à un diplôme qui est reconnu et bien sûr limiter les frais, notamment pour les étudiants internationaux. Cela permet donc de concilier l'ambition académique de l'étudiant et la stabilité personnelle et ou professionnelle. La journée portes ouvertes, c'est donc le 27 février, de 12h à 14h. Est-ce qu'il faut s'inscrire et sous quelles conditions ? Et comment fait-on pour y participer ? Alors, la participation, elle est libre et sans inscription préalable. C'est-à-dire, donc, comme vous l'avez dit, la journée porte ouverte, elle aura lieu le vendredi 27 février 2026, de midi à 14h, via Teams. Donc, pour participer, il faut se rendre sur le site internet de l'École de santé publique de Nancy. Sur la page d'accueil, vous retrouverez le lien Teams qui est disponible. Et ensuite, il faudra se connecter à l'horaire indiqué. Le 27 février, c'est donc la première édition. Est-ce que d'autres portes ouvertes pourraient être programmées à l'avenir ? Alors, dans un premier temps, nous partirons sur une première porte ouverte, celle qui est organisée le vendredi 27 février. Et par la suite, par rapport aux demandes, nous verrons si nous organisons d'autres portes ouvertes. Mais dans un premier temps, on partirait sur cette première édition qui sera enregistrée et qui sera déposée sur le site de l'École de santé publique, tout en conservant nos adresses mail pour chaque diplôme pour répondre à toutes les questions des étudiants intéressés. Merci Alexandra Singer, ingénieure pédagogique et responsable du service pédagogie numérique au sein de l'École de santé publique, qui est un département de la faculté de médecine. Vous retrouverez cet entretien en podcast sur notre site internet www.fadjet.net. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.